Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM, pour cette 31e chronique de Millen Histoire de Tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé des modifications corporelles des organes sexuels chez les hommes. Avions poursuivi par les différentes méthodes, ainsi que les différents types d'encre utilisés pour le tatouage de la cornée, et avions terminé par le motif de la tortue et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de l'art corporel. Verrons ensuite les avantages et inconvénients du tatouage de cornée et les progrès de la technologie. Puis nous finirons avec un motif et ses significations. On y va maintenant. Cela fait maintenant plusieurs chroniques que nous parlons des modifications corporelles. Nous avons pu voir qu'il en existait plusieurs, telles que le perçage, le marquage au fer, la scarification, ainsi que les modifications de la tête, du tronc et des membres et des organes sexuels. L'on peut dire que toutes ces pratiques font partie de l'art corporel. L'art corporel fut tout d'abord une forme d'expression artistique. Par la suite, il devint un courant en partie théorisé qui émergea dans la seconde partie du XXe siècle, où l'artiste commence à considérer son propre corps comme lieu ou territoire d'expression. C'est une performance artistique qui est, comme son nom l'indique, une action artistique comportementale entreprise par un ou des artistes face à un public. Celle-ci fut nommée par la critique artistique face à ses manifestations résolument nouvelles de body art pendant une vingtaine d'années, une expression anglo-saxonne. Dans les années 1980, le body art ne qualifie plus seulement ces artistes pionniers qui repoussent les limites de leur corps et de son expressivité, mais aussi un ensemble de pratiques qui empruntent largement aux rites de passage ancestraux que l'on a pu voir tout au long de ces dernières chroniques. Le body art, qui est l'équivalent syntaxique des modifications corporelles, détient un vocabulaire ancré dans une culture aujourd'hui communément admise et accessible à tous. L'on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, chez certains artistes actuels, toutes les techniques sont soit mobilisées, soit combinées afin de produire ce type d'œuvre. On ressort donc que le corps devient le lieu unique de leur expression. Ce dernier peut être présenté de différentes façons, en utilisant des médiums tels que la photographie, la vidéo, la performance, le spectacle vivant, etc. Ainsi, ces personnes que l'on peut nommer des primitifs modernes combinent de manière expérimentale des techniques anciennes avec des technologies nouvelles. L'assemblage du piercing, de tatouage, de scarification, de branding ou de marquage transforme le corps en une sorte de sculpture vivante unique qui échappe aux normes sociales communes. Pour les praticiens du genre, l'agencement de différentes modifications corporelles constituait un jeu, appelé body play, comparable à celui des musiciens de jazz capables de réinventer à l'infini les standards. Nous en avons fini avec les modifications corporelles. Je ne doute pas qu'il en existe encore plusieurs et que d'autres seront encore inventées. Cependant, je pense que l'on a vu une très grosse partie de celle-ci. Peut-être que ces dernières chroniques vous auront permis de découvrir les différents types de modifications corporelles et que vous vous découvrirez une passion pour l'une d'entre elles, à vous de voir. Passons à présent à la deuxième partie de cette chronique et commençons par les avantages du tatouage de la cornée. Il en existe plusieurs, mais le plus important est un succès d'une procédure chirurgicale ainsi qu'un rétablissement rapide. Ji, Un, Li et Al, dans un article de Acta Ophthalmologica Scandinavica, écrit « Le tatouage de cornée par injection intrastroma d'encre de Chine dans l'espace de la membrane amniotique consiste en une procédure très pratique pour une opération à but de reconstruction cosmétique ». La plupart du temps, le processus débouche sur une réussite totale et réduit les perturbations esthétiques relatives à toute opacité de la cornée. Mais ce n'est pas tout. Le tatouage de la cornée peut aussi permettre de contribuer à réduire l'éblouissement dans l'œil, dû à la perte de l'iris, et à améliorer l'acuité visuelle. Un professeur de l'Université de Montréal, J.N. Roy, écrit dans le Canadian Medical Association Journal « Placer un bandage sur l'œil tatoué n'est pas nécessairement indiqué. L'usage de verres teintés ordinaires est amplement suffisant. » Autrement dit, selon Roy, les traitements post-opératoires se limitent au port de verre teinté. Il existe aussi cependant des inconvénients relatifs au tatouage de la cornée. Tout d'abord, les difficultés de réalisation ainsi que les risques qu'entraîne la procédure. En effet, il est possible de devenir aveugle à la suite d'une tentative de coloration. C'est une procédure très difficile à réaliser de manière précise et souvent la zone tatouée pâlit après quelques temps et reste rarement colorée de manière permanente. La taille de la zone tatouée peut aussi réduire au fil du temps. D'autres fois, les résultats n'atteignent pas l'effet escompté, il faut donc retatouer l'œil. Il y a aussi les résultats qui peuvent disparaître très rapidement à cause des multiples incisions et des lacérations pouvant causer des érosions récurrentes de la cornée. Pour finir, ce type de tatouage ne s'applique pas à tous les types de leucomes. À nouveau, Jean Roy déclare tous les leucomes ne réagissent pas de la même manière à l'intervention, qui ne doit être réalisée que sur les yeux présentant des cicatrices vieilles, régulières et plates au niveau de la cornée. De plus, les dangers liés au tatouage de la cornée sont considérables. En effet, certains patients se plaignent de sensations de gêne accompagnées de rougeurs. L'encre peut aussi ne pas rester dans la cornée et ainsi donner naissance à une kératite. Ce ne sont pas là les seules complications. Réactions toxiques, iridocyclite, une réaction inflammatoire chronique ou aiguë de l'iris et du corps ciliaire, un défaut persistant de l'épithélium, des tissus constitués de cellules étroitement juxtaposées ou jointives, sans interposition de fibres ou de substances fondamentales. Ce qui est distinct des tissus conjonctifs est l'ulcération de la cornée. Pour résumer, le tatouage de la cornée peut ne pas toujours fonctionner. Les médecins rencontrent alors des problèmes comme le pâlissement, la réduction en taille de la zone tatouée, des complications ou encore des résultats de courte durée. Peut-être que les progrès de la technologie pourront améliorer ceci. Cependant, ces dernières ont déjà permis de réduire le nombre d'utilisations du tatouage de la cornée au fil des ans. À la place, certaines méthodes sont déjà utilisées pour dissimuler des cicatrices sur la cornée, comme la greffe de la cornée, les techniques de kératoplastie ainsi que l'usage de lentilles de contact teintées. Mais ce n'est pas tout. Ces progrès de la technologie ont diminué grâce à la chimiothérapie, aux antibiotiques et à l'arrêt de prise de mesures thérapeutiques, le développement d'un leucome de la cornée. Mais bien que tous ces progrès technologiques ont diminué la popularité du tatouage de la cornée, certains le pratiquent encore. Secundo et Cole croient même que la combinaison des nouvelles technologies et des techniques anciennes pourrait augmenter la popularité du tatouage à l'avenir. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage de cornée, bien qu'il soit principalement utilisé à but médical, peut avoir beaucoup d'inconvénients et assez peu d'avantages. Ça reste une pratique dangereuse, donc à vous de voir si vous souhaitez y avoir recours ou non. Nous en avons fini avec le tatouage de la cornée. Nous avons pu voir beaucoup de choses et découvrir un peu ce dernier. Terminons cette chronique par un motif et ses significations. Le motif du jour est la Vierge Marie. Un des dessins de tatouage les plus populaires dans la culture est le tatouage de la Vierge Marie. Assez facile à reconnaître, il permet à celui qui l'arbore de représenter son amour pour sa religion et de s'y connecter au niveau spirituel, et bien qu'avant c'était un tatouage populaire auprès des femmes qui permettait d'exprimer leur féminité, il est aujourd'hui utilisé par les hommes afin de rendre honneur à un être cher ou de représenter leur lien avec leur propre mère. Commençons par le tatouage de la Vierge Marie dans l'histoire. Une des toutes premières références au tatouage de Vierge Marie concerne une nouvelle fois les marins. Des hommes qui s'aventuraient autrefois dans des eaux non répertoriées sur les cartes maritimes et qui ne savaient pas s'ils allaient revenir de ce voyage. C'est pour cette raison qu'ils se faisaient tatouer la Vierge Marie en souvenir de leur mère, de leur femme ou de leur promise, qui les attendait sur la terre ferme. D'autres choisissaient ce dessin afin de se souvenir de rester virtueux, forts et engagés malgré les eaux dangereuses et traîtresses. Pour ces aventuriers des mers, les tatouages représentant la Vierge Marie symbolisaient la merveilleuse vie qu'ils laissaient derrière eux et jouaient aussi le rôle d'amulette qui les protégeait et leur assurait un voyage sûr. Mais ce ne sont pas là les seules significations de ce tatouage. En effet, pour les personnes qui ont un rapport plus religieux à leur dessin de tatouage, la Vierge Marie représente une figure située sur un plan totalement différent. L'espoir dans les temps troublés et l'amour inconditionnel ainsi qu'une consolation pour ceux qui recherchent l'aide du ciel. Ce tatouage symbolise concrètement la mère que nous avons tous ainsi que notre désir de connexion avec elle et de la recherche de son réconfort et de ses conseils lorsque nous en avons besoin. C'est un tatouage qui peut aussi nous faire rappeler quelque chose, toujours se comporter d'une façon qui ferait la fierté d'une mère ou encore de représenter le souvenir d'une mère ou d'un être cher décédé. Comme vous vous en doutez peut-être, la Vierge Marie a une place très importante dans le cœur des chrétiens, qui la voient comme un pilier de la force féminine, une personne remplie de compassion et le symbole ultime de la divinité féminine. De nos jours, beaucoup d'amoureux du tatouage utilisent ce motif comme centre de leur tatouage en la représentant en train de pleurer, de bercer son fils mourant ou au pied de la croix où Jésus a été tué. Beaucoup de personnes s'identifient au symbolisme de la Vierge Marie, cette personne qui possède le pardon dans le cœur, qui est prête à dédier sa vie et ses croyances à une sainte entité pouvant opérer des miracles pour les croyants. Certains tatoués décident de se faire ce motif, car quelque chose de miraculeux est arrivé dans leur vie et ils veulent remercier pour ce miracle. D'autres, quant à eux, l'utilisent en souvenir d'un être cher décédé, se trouvant présent dans les bras protecteurs de la Vierge Marie. Ce type de dessin permet à la personne qui la porte d'être créatif. Ainsi, il peut ajouter des anges, l'image du Christ ou d'autres symboles religieux afin de créer une plus forte connexion. Mais est-ce un tatouage fait pour vous ? Sachez tout d'abord que peu importe ce que vous inscrivez sur votre peau, ce sera toujours votre décision. S'il s'agit d'une puissante icône religieuse telle que la croix ou la Vierge Marie, une déclaration littérale de foi qui montre votre dévotion envers le Christ et sa mère. Sa tristesse est votre tristesse, sa peine est votre peine et vous aimeriez réparer vos péchés comme elle l'a fait. Vous inquiétez du possible sacrilège que ce tatou pourrait représenter n'enlève rien à sa signification première qui est de mettre Dieu au centre de votre vie de façon permanente. Et peu importe ce que l'avenir vous réservera, vous pourrez regarder votre tatou et savoir que vous avez rendu hommage à une exemplaire figure de l'histoire. C'est ainsi que cette 31e chronique se termine. J'espère que vous l'auriez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Game Ozo, sur son site à l'adresse www.radiogameozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Mille et une histoires de tatouage. Ciao!